Voici maintenant une capsule de la série « La véritable histoire de l'exorcisme d'Émilie Rose », présentée par Régis Solerie sur les ondes de C'est fou. L'illusion des 16 premières années. Anneliese Michel est née à Leibelfing, en Basse-Bavière, le 21 septembre 1952. Son père s'appelle Joseph Michel et sa mère Anna Fürg. Une première fille, Martha, avait précédé Anneliese dans la famille, mais elle était décédée des suites d'une maladie rénale à l'âge de 8 ans. Anneliese sera ainsi l'aînée d'une fratrie qui ne se composera que de filles. Gertrude Maria, née en 1954, Barbara en 1956 et Roswitha Christine l'année suivante. La famille Michel appartient à la moyenne bourgeoisie. On n'y roule pas sur l'or, l'entreprise de scierie du père rapporte ni trop ni trop peu, mais le nécessaire est toujours disponible et la maison à deux étages sur le Mittlerer Weg prouve que l'argent est investi dans des valeurs certes sûres mais surtout traditionnelles. Une fenêtre de la face gauche de la maison donne directement sur le cimetière où repose Martha. Elle n'y restera pas seule bien longtemps. L'enfant Anneliese est de santé relativement fragile. Très jeune, elle contracte la rougeole, suivie par les oreillons et la scarlatine vers l'âge de 4 ans. Elle semble d'ailleurs de si faible constitution qu'on recommande à ses parents de différer d'un an son entrée à l'école. Voilà donc une année supplémentaire en garderie avec les railleries qui l'accompagnent. À l'âge de 13 ans, Anneliese commence ses études secondaires au Dalberg Gymnasium, un lycée situé à Aschaffenburg, près de Klingenberg. Elle aime la musique, tout particulièrement le piano et l'accordéon dont elle joue, ainsi que le latin. Sa mère Anna rêve de la voir devenir institutrice, ambition partagée par son père Joseph, qui étale fièrement les qualités et le sérieux de sa grande fille lorsqu'il rencontre quelques amis à la taverne Winterstübchen sur la Bergwerkstrasse. Il faut dire qu'un cousin d'Anneliese, Walter Hein, est déjà instituteur dans une école de Mömbris, et les Michel espèrent bien, eux aussi, apporter leur contribution à cette respectable profession. Anneliese est donc encouragée à demeurer studieuse, autorisée à quelques loisirs pour se changer les idées, mais aussi, voire surtout, mise en garde contre les pièges de l'adolescence, car la mère veille au grain. Pas de sortie dans les lieux de perdition, à traduire par discothèque, et maintient à distance de tout jeune homme entreprenant ou susceptible de le devenir. Anneliese parvient tout de même à vivre une première aventure amoureuse, mais avec tant de précaution et de discrétion que nous ne saurons jamais le nom de l'heureux élu. Anneliese Michel mène une vie réglée, organisée, planifiée pour les années à venir, une routine que rien ne semble devoir casser. Mais la fin des illusions approche, à pas feutrés. Septembre 1968 marque la fin de vie d'Anneliese comme individu et le début de son calvaire comme personne entre-déchirée de personnalités ou de démons multiples. Vous venez d'entendre une capsule de la série « La véritable histoire de l'exorcisme d'Émilie Rose » présentée par Régis Solerie sur les ondes de C'est fou.